Ah bonjour à tous, Jean-Robin Journaliste. 235e vidéo réservée aux souscripteurs. C'est la vidéo bonus de la semaine. Donc pour avoir des précisions sur la souscription, vous allez dans la description de cette vidéo, vous cliquez sur Patreon et vous aurez accès aux souscriptions que je propose. Il y en a 3, ça commence à 3 euros par mois. Alors, je vais vous parler pour une fois de football. C'est pas vraiment un de mes sujets, mais comme le Parti communiste chinois a infiltré quasiment tous les domaines de la vie des gens dans le monde entier, la santé, l'économie, en passant par le culturel, eh bien, le football ne fait pas exception à cette emprise de plus en plus totalitaire et étouffante du principal parti dictatorial au monde. Et donc j'avais abordé certaines parties de cette infiltration dans le sport, dans des vidéos précédentes, sur les Jeux Olympiques par exemple, j'ai fait 2 vidéos. Mais j'ai pas encore parlé du sport en général, je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Le foot étant un gros morceau, puisque c'est le sport le plus pratiqué au monde, eh bien je vais y dédier cette vidéo. Donc son but c'est que vous allez voir qu'aussi bien en France qu'à l'étranger, le Parti communiste chinois a mis ses sales pattes partout, et qu'il a tout corrompu par son idéologie, son argent et son ambition démesurée pour dominer le monde. Donc, si vous êtes fan de foot, vous allez en découvrir de belles. A tout de suite pour les souscripteurs, à bientôt pour les autres.